الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب donc dans le dernier درس on a pris un seul hadith qui était فضل اتباع السنة le mérite du suivi de la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam biqoulihi فَإِنَّهُمْ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ رُدُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ donc il avait dit celui d'entre vous qui vivra après moi verra maintes divergences donc accrochez-vous à ma sunna et à celle des califs bien guidés et mordez-y avec les molaires donc on a expliqué que le remède au mal de la divergence et l'un par de la divergence qui n'est pas tolérée, c'est de revenir à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Chose sur laquelle malheureusement on a beaucoup de défaillances. Et c'est une très mauvaise compréhension. Aujourd'hui on va prendre un autre hadith qui est Fadl, c'est un nouveau chapitre, enfin plutôt sous-chapitre, parce que le chapitre c'est Al-Fadl, les choses méritantes, ce qui s'ensuit. Et là on va prendre Fadl al-Sahaba, qui est le mérite des Sahaba. Awalen, Sahaba, qu'on traduit par les compagnons, le singulier c'est Sahabi. As-Alouk, t'interroges ? Hein ? Interroge-moi si je peux répondre. C'est quoi un Sahabi ? Un sahaba, c'est quelqu'un qui a vu le prophète, et qui a cru en lui, qui a cru en son message, et qui l'a rendu véridique. Selon ta définition, on exclut l'aveugle, et on peut y exclure beaucoup de gens. Non, parce qu'après, tu ne l'as pas forcément vu, mais en tout cas, tu as cru en son message. Parce que le négus, ils ont fait la prière de l'absence sur lui quand il est mort. Mais il y a divergence sur le fait s'il est ça, s'il est considéré comme ça. Le Najashi, c'est pas un sahabi. Ouais, voilà. C'est un tabiri. Parce qu'il a vu le sahaba, mais il n'a pas vu le nabi sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le terme voir, c'est rencontrer. D'accord ? Et il y a un autre chart que tu n'as pas cité. Qui ont cru en lui, et, très important, son père, son oncle a cru en lui. Mais il n'a pas mis en application ? Non, c'est pas ça. Ils ont cru en lui ? César a cru en lui. Mais. Enfin, quand je dis il a cru, il a reconnu, on va dire. Ouais. Mais. Bah, ils n'ont pas accepté l'islam. Oui, et entre autres, finalité, c'était quoi ? Mais ils ne se sont pas soumis. Ils sont morts sur quoi ? Sur le kufr. Donc le sahabi, c'est ? Celui qui est musulman. Qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cette foi. Parce que tu as des gens qui ont pu avoir cru en lui, après ils ont apostasié. Comme c'était par exemple le cas des certains des gens de la Ridda qui ont refusé de donner la zakat après sa mort. Il y en a peut-être qui l'ont vu, qui l'ont rencontré, mais après ils ont apostasié et ils sont morts là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui a rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et quand il l'a rencontré, il croyait en lui. Et qui est mort sur cette foi. Même si entre-temps il y aurait eu une ridda, après la fête au bal est revenu qu'il est mort sur la foi, c'est un sahabi. Et les sahaba, c'est le niveau le plus haut de noblesse chez l'être humain, après les prophètes et les messagers. Donc, قال في الحديث الثامن والأربعين بعد المئة وهو الثامن من هذا الفصل 148e hadith qui est le 8e de ce fasl. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم متفق عليه donc il a dit ibn Mas'ud que le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit que les meilleurs des gens sont les gens de mon siècle puis ceux d'après c'est-à-dire le siècle d'après puis ceux d'après donc là ce hadith, à lui tout seul, résume qui sont les salafs. qui sont les salafs, ou les Qurun Mufaddala, les meilleurs siècles de cette communauté. Donc, lorsqu'il dit Korni, ce sont les gens qui lui étaient contemporains, donc les Sahaba. C'est son époque. Ceux qui l'ont entouré, ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont secouru, ceux qui étaient avec lui, qui ont vu le Wahi descendre et qui l'ont compris et qui l'ont appliqué. Et la plus grande noblesse qu'Allah puisse accorder à un être humain en ce bas monde, bien sûr, après l'islam et le tawhid, c'est la vision, le fait d'avoir vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah leur a accordé ce fait-là, de pouvoir le voir. En tout cas d'avoir, même si c'était un aveugle, d'avoir été à sa proximité. Donc ce qui n'accordait cela qu'au meilleur des gens. Ceux qui méritaient cela. Donc c'était les sahaba. Et il y a un fard d'Ibn Mas'ud qui dit « Anna Allah ittala'a ala kouloub innas fa wajada anna kouloub ashab innabi sallallahu alayhi wa sallam khayl al kouloub » Que Allah a scruté les cœurs dans le sens où Allah il sait. Mais il a fait apparaître ce qu'il y avait dans les cœurs et qu'il a vu que les meilleurs des cœurs c'était ceux des compagnons. Voilà pourquoi il leur a accordé ce mérite d'être aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est eux son corne. Un corne c'est un siècle. Un corne c'est un siècle. Et là le sens voulu c'est ceux qui lui étaient contemporains. Car il y a des sahaba qui l'ont connu, ils étaient déjà âgés. Et d'autres qui ont été des sahaba, c'est des bébés. Et qui ont vécu longtemps peut-être par la suite. Donc il y avait de tout. Hommes, femmes, d'accord, et enfants en bas âge, des bébés qui sont nés et qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, et qui par la suite ont perduré sur l'islam, et d'autres qui l'ont vu alors qu'ils étaient peut-être aux prémices de la mort, mais qui ont cru en lui. Donc eux sont les meilleurs des gens, les sahaba, radiallahu anhu. Et la base, l'essence même des salafs, c'est eux. D'accord ? L'essence même des salafs, ce sont les sahaba. Après, il a dit « Khayrun nas korni »« Meilleur des gens, mon siècle »« Thumma allazina yalunahum » Puis, ceux d'après. C'est-à-dire le korn qui a suivi le korn des sahaba. Le siècle qui a suivi le siècle des sahaba. Et on les appelle tabi'in. Les tabi'in. Et le tabi', à la base, ça vient de taba'a yadba'u, qui veut dire suivre. C'est-à-dire ceux qui suivent. Et les tabi'un, qui sont-ils ? Ce sont ceux qui ont rencontré les sahaba, mais qui n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux les tabi'un. Puis il a dit thumma allazina yalunahum. Puis ceux qui viennent après. Donc là, c'est le 3e siècle. Là, ce qu'on appelle Adba' al-Tabi'in, les suivers des Tabi'in, c'est-à-dire ceux qui ont connu les Tabi'in, mais qui n'ont pas connu les compagnons, et encore moins le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on a une tesquia du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ces gens-là. Il a dit Khayrun Nas, les meilleurs des gens, ce sont ceux de mon époque, donc les Sahaba. Puis, ça veut dire un degré très haut, mais en dessous. Les tabi'in, puis l'adba tabi'in. Donc concrètement, le terme salaf s'applique aux sahaba, et umuman s'applique à ces trois siècles-là. Puis, toute personne qui nous a précédé sur le khayr, c'est un salaf. Même des savants contemporains déjà morts, ce sont des salafs. Entre autres, les imams de cette époque-là qui étaient connus, Cheikh Mughbir, Cheikh Lalbani, Cheikh Al-Othaymin, Cheikh Nenbez, Cheikh Najmi, Cheikh Shankiti, et Cheikh l'Ethiopie, voilà. C'était des contemporains, entre autres, mais ils sont morts sur un manhaj authentique, et ils suivaient ces gens-là, donc pour nous, ils sont des salafs. Ils sont des aïeux, ce sont des gens qui nous ont précédés dans le khayr. Et plus tu descends vers le début de l'islam, et plus les gens sont meilleurs. Et bien sûr, plus savants également. Donc c'est ça en fait, quand quelqu'un te dit « je suis salafi », c'est-à-dire « je suis quelqu'un qui comprend le kitab et la sunna » comme l'ont compris ces gens-là. C'est ça un salafi. D'accord. Un salafi, c'est pas un hizb. C'est pas un groupe dévié ou je ne sais quoi. C'est une personne qui résume qui il est en un mot pour ne pas avoir à faire de longues phrases. Si des gens diront il n'y avait pas de salafi à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on dira parce qu'il n'y a pas de moubtadi à son époque. Les moussemoun étaient sur une même croyance. Donc il n'est pas besoin de se distinguer des gens de la bid'a. Et après, ça commençait à arriver par la suite. D'accord. Donc même après, c'est venu les gens de la sunna. Elle est sunna, elle est le hadith. Tu vois, elle est le hadith, elle est sunna, c'est venu par la suite. Et après même, des gens s'appelaient elle est sunna parmi les innovateurs. Donc en fait, sunni, c'est salafi. De base, c'est le même sens. Et c'est quoi le sunni? Comme dans le hadith qu'on a pris, alaykum bi sunnati. D'accord? Accrochez-vous à ma sunna. Donc celui en arabe, tu mets ce qu'on appelle ya nasab. C'est un ya que tu mets à la fin d'un mot, par affiliation, cette chose-là. Par exemple, je sais pas, moi, tu es français, tu vas dire anaforansi, pour dire je suis français, tu viens de la France. D'accord? Donc pour dire t'as affilié au salaf, tu vas dire anasalafi, pour dire je m'affilie à ces gens-là. Donc il n'y a aucun mal à se nommer de la sorte. Et c'est une terminologie qui est légiférée, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Fatima, ni'ma salaf analaki. C'est-à-dire, quel bon exemple précédent je suis pour toi. Donc c'est un terme qui a une origine. Donc là, souvent les gens sont perdus et ne savent pas comment comprendre. Des fois, il y aura un verset, on va diverger dessus. Des fois, on aura un hadith, on va diverger dessus. Eh bien, si le hadith, on y croit qu'il est authentique, mais on n'a pas compris, il faut revenir comment il a été compris par les gens qui étaient là lorsqu'il a été révélé. Et également ce verset. Donc c'est ça, la croyance salafia. C'est revenir au salaf. Et là, ça ferme la porte à toutes les divergences bismillah ta'ala. Sur ce qui n'est pas acceptable, bien sûr. Après, la divergence, dans plusieurs points de moindre échelle, il y en aura toujours. Mais ce n'est pas une divergence qui amène à un égarement, qui amène à une perdition, qui amène à un tabdir, ainsi s'en suit. D'accord ? C'est des khilaf al-afham, des divergences de compréhension par rapport au texte en soi. Dans les fondements, dans les usul principaux, ça, il faut revenir à ce qu'ils étaient, eux, ces gens-là. Et également, Allah Azawajal a fait l'éloge de ces gens-là en disant والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dans le Coran, il a dit السابقون الأولون, ça veut dire ceux qui ont devancé parmi les premiers des muhajirin, ceux qui ont fait la hijra. Donc qui sont-ils? C'était les sahaba qui étaient à Mecca, qui sont partis à Medina. Ou al-Ansar, les Ansar, c'était les gens de Medina qui ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sahaba. Et ceux qui les ont suivis dans l'excellence, Allah les agrée et ils agréent Allah. Il leur a préparé des paradis sous lesquels coulent des ruisseaux et ils y seront éternellement. Et voici la victoire éclatante. Donc souvent, les gens te disent, on connaît souvent, j'aime Allah. On te dit Tayyib. Ça, c'est une phrase, tout le monde va le dire, j'aime Allah. Maintenant, la question, c'est est-ce que Allah t'aime? C'est ça le plus important. Et là, on a inversé et on va dire Allah, il aime qui? Vous voyez? Dans le Coran, Allah dit Inna Allah yuhibbu tawwabin yuhibbu mutatahhirin. Qu'Allah, il aime ceux qui se repentent, ceux qui se repentent, qui se purifient. Et Allah, il aime nous croyants. Il aime les gens pieux, tout ça. Ça, c'est de façon générale. Mais toi, tu ne pourras pas savoir si Allah Azzawajal t'aime ou il ne t'aime pas. Et dans un verset, dans le Coran, elle a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si jamais vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Moi qui? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera et vous pardonnera vos fautes. Chose que les sahaba, ils ont fait. Pour preuve, dans ce verset, Allah dit qu'il les a agréés. Donc c'est une tazkiya. Allah dit qu'il a aimé les sahaba. Et également ceux qui les ont suivis. Qui ont suivi qui? Hein? Ou allazina taba'ahum bi ihsan. Et ceux qui ont suivi justement, c'est sabiqoun, c'est l'awaloun, c'est le muhajiroun et c'est ansar. Donc ce sont les sahaba. Donc on te dit, maintenant, au lieu de t'éparpiller en religion, ce verset t'impose de suivre la voie des salafs. Donc si tu suis la voie des salafs, prends un conseil d'issue salafi. D'accord ? Sans mettre une tesquilla, ça ne veut pas dire que je suis mieux que tout le monde, ça veut dire que ma compréhension de l'islam, ma croyance, ma méthodologie, c'est la leur. Maintenant, ça veut dire que tu as la hauteur, ça c'est autre chose. Ça veut dire que tu es infaillible ? Non. Ça veut dire que tu vas rentrer au Jannah ? Non. Tu expliques qui tu es, ou du moins qui tu tentes être. Quand quelqu'un veut dire je suis croyant, on sait que l'ayatul al-Jannah, il est nefs mu'mina ou muslima. N'entrera au paradis qu'une âme qui est croyante ou soumise, on va dire muslima. Quand quelqu'un dit je suis croyant, ça veut dire je suis au paradis ? Non. Il te dit moi, je me considère de ces gens-là. Maintenant, est-ce que auprès d'Allah je le suis vraiment ? Ça, c'est lui qui le sait, mais je fais les causes pour. Confondre, différence entre informer de ce que tu veux représenter et de ce que tu es aux yeux d'Allah Azzawajal. Donc c'est pas une tesquilla en soi. Tu dis pas moi je suis salafi donc un akhir minkoum, je suis meilleur que vous. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire si tu veux savoir qui je suis en islam, voici qui je suis en islam. Maintenant, j'ai mes défauts, j'ai mes manquements, j'ai mes faiblesses, qu'Allah m'en pardonne, mais ma référence dans l'islam, c'est ces gens-là. Et si on diverge, toi et moi, telle ou telle chose, on revient à ça. Et si tu reviens pas à eux, parle pas avec moi. On va parler pendant des heures, on n'arrivera à aucun résultat. Tu veux parler qu'un soufi, ça sert à rien. Tu vas sortir des versets, il va citer le même verset que toi. Tu dis, toi, ben maintenant, le verset, comment on va le comprendre ? Par la compréhension des sahaba. Il lui va dire, non, mon chéri, il m'a dit, c'est bon, merci. On ne sait rien qu'on parle, on va parler pour rien. Toi et moi, il y avait un débat qui allait se faire avec Cheikh Al-Bani, et un Moutadia, je ne sais plus qui c'était qui. Il a dit, avant qu'on débatte, il faut qu'on se mette d'accord sur des points. On se met sur une lignée. Il est d'accord. Il a dit, donc le Coran, il a dit oui. Il a dit la Sunna. L'autre, il a dit oui. Il a dit et. L'autre, il a dit et quoi ? Il dit ben, la compréhension des salafs. L'autre, il a dit non. Hum bachar, nahnu bachar. Eux sont des hommes, on est des hommes. On dit ben, le débat, il est fini avant d'avoir commencé. Alors, ça sert à rien. Parce que moi, je vais te parler de choses et je vais revenir à eux, toi, tu vas revenir à autre chose. Donc, comment on va se mettre d'accord ? Il n'y aura pas d'accord, donc le débat il sert à quoi ? Il sert à rien. Donc c'est un point de retour pour nous. À la base, bien sûr, c'est le Coran et la Sunna, mais le Coran et la Sunna, tout le monde va le dire, tu verras quasiment tout le monde te dire je suis le Coran et la Sunna. Et pourtant on l'a dit en divergence. Comment ça se fait ? C'est qu'il y a un truc qui manque. Il y a un élément manquant pour nous unir vraiment. Donc c'est comment comprendre ce Coran et cette Sunna. Et cette compréhension, c'est ce qu'on appelle As-Salafiyya. Taïm. Et l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam an al-wasila ibn al-ashfa' ou al-ashka' afwan قال لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصاحبني والله لا تزالون في خير بخير ما دام فيكم من رأى من رآني وصاحب من صحباني رواه ابن أبي شيبة. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que vous ne cesserez d'être dans le bien tant que seront en votre sein, ceux qui m'ont vu et qui m'ont accompagné. C'est-à-dire, tant que les sahaba sont là, vous êtes sur le khayr. Il a dit, « Wallah par Allah, vous ne cesserez d'être sur le bien, tant que sera également en vous, ceux qui ont vu, ceux qui m'ont vu, et ceux qui ont accompagné, ceux qui m'ont accompagné. » Là, c'est qui, là ? Les tabi'in. Donc, tant que ces gens-là sont là également, il y a du khayr, vous êtes dans le khayr. D'accord ? Car il y a encore une attache proche de la révélation. Et c'est valable pour le siècle d'après. Après, ça a commencé à s'éparpiller. Après, il y aura toujours, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la tazal ta'ifatun min ummati zahilna ala al-haq. Taïeb, wa riyaduruhum man khazalahum wa man khalafahum. Mais il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura toujours un groupe de ma communauté qui va rester apparent sur la vérité et ne seront lésés en rien par ceux qui les abandonnent ou s'opposent à eux. Donc il y aura toujours, alhamdoulilah, une bouchoire, il y aura toujours des gens, mais ils seront une minorité. Avant, c'était une majorité. Même avant, c'était une unanimité. À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, soit tu étais un compagnon, il n'y avait pas de Mubtadiya. Soit tu étais un Munafiq. À l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de Mubtadiya. Il ne pouvait pas être un Mubtadiya à son époque, c'est pas possible. C'était un Munafiq. D'accord ? Donc tu avais croyant, hypocrite, koufar. Il n'y avait pas d'innovateur. Donc il n'y a pas besoin de se distinguer. Aujourd'hui, dans une époque, on s'est divisé en différents groupes, il faut se distinguer. D'accord ? Et il faut être sélectif, comme on le répète souvent. Donc après, c'était un long calabre de Shirel Islam qu'on va pas lire là maintenant, de toute façon, qui revient à ce qu'on vient de dire en Mouman. Par contre, ici, Shirel Islam rapporte une parole de Shir, de l'imam Shafiri, Rahimallahu Ta'ala, en parlant du sommet du fort de Sahaba et des Salaf. Dans son kitab Ar-Risala, il a dit « Hum fawqana fi kulli ilm wa aql wa din wa fadl wa kulli sababin yunalu bihi ilmun udraku bihi huda wa rayyuhum lana khayru min rayyina l'enfusina. » Il a dit l'imam Shafiri, Rahimallahu Ta'ala, parlant des Sahaba, ils nous surpassent dans tout savoir, dans tout raisonnement, et dans tout niveau religieux et dans tout mérite et dans tout moyen par lequel on obtient le ilm et qu'on le comprend et par tout moyen par lequel on obtient la guidée et leur avis à notre sujet, nous qui sommes venus après, est meilleur pour nous que notre avis à nous sur nous-mêmes. C'est-à-dire ce que les sahabas auraient pensé de nous est meilleur pour nous que ce que nous on va penser de nous-mêmes aujourd'hui. Et là, ça revient à ce qu'on répète souvent, et cette parole du même Shafiri, que ces gens-là nous ont surpassés dans le ilm. Donc, il n'y aura pas plus avant qu'eux. D'accord ? Dans l'aql, on ne pourra pas avoir de meilleur raisonnement que le leur. Quand ils vont dire, ouais, c'était avant. Avant, c'était meilleur que nous. Souvent, les gens disent, ouais, toi, tu as encore une pratique qui est ancestrale ou je ne sais quoi. Cette pratique des gens ancestrales, comme tu l'appelles, elle était meilleure. Donc, j'essaie de me référer au meilleur. Et religieusement. Pour dire où on évolue. La dunya évolue, la religion, elle n'évolue pas, elle ne bouge plus. Au contraire, la religion, elle régresse. Puis on avance, puis elle régresse. Il a dit « Wa kull sababin yunalu bihi ilm » et qui sont meilleurs que nous dans tout moyen par lequel on obtient le ilm et par lequel on a la guidée. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans la darwa qui veulent innover des choses, pensant que c'est plus adapté. On va faire ça, ça, ça, on est une nouvelle époque. En fait, tu ne feras pas mieux que le sahaba. En ilm. Ni en darwa. Jamais. Et vaut mieux que tu aies 2-3 personnes qui comprennent bien sur une façon authentique que tu aies 1 million de suiveurs sur une façon qui est innovée. Tu n'arriveras à rien. Tu n'auras pas de qualité. D'accord ? Et les gens aujourd'hui, normalement, c'est ça qu'ils cherchent en priorité, c'est toucher le plus de monde, comme ils disent. Tu vois ? On veut toucher le plus de monde possible. Ouais, mais en faisant cela, tu arrives à des procédés, il y aura plus d'erreurs possibles également. Donc le but, oui, toucher plus de monde, c'est mieux, mais le faire de façon correcte. Un exemple, par exemple, tu vois les gens qui... ces TikTokers là qui font la darwa sur TikTok ou je ne sais où. Ils disent c'est là-bas que ça se passe maintenant, c'est là-bas qu'il y a des gens. On dit si jamais ta darwa était profitable, d'appeler une chose de concret religieusement parlant, normalement les gens qui te suivent sur TikTok, si t'es un vrai da'i l'Allah, t'appelles au Tawhid, à la Sunna, à la voix des salafs et à la réforme, ils arrêtent TikTok. S'ils t'écoutent. Si vraiment ils disent ah, ce qu'ils disent c'est bien, j'arrête TikTok. Mais ils n'arrêtent pas TikTok. Donc ta darwa, elle ne sert pas à grand-chose en réalité. Normalement, tu es censé les sortir d'un mal pour la mettre dans un bien. Et toi, par ta darwa, il se complaise dans ce mal. Donc, c'est-à-dire que ton procédé, il a échoué. Si vraiment, les gens, tu les fais se remettre en question, ils vont lâcher TikTok. À part, bon, ceux qui ont un TikTok pour un commerce, ou je te parle dans la darwa, des gens disent, ouais, c'est là-bas, il faut appeler les gens à la religion. Donc, si ton appel à la religion, au Tawhid et à la Sunna, est concret, et il est valide, et il est constructif, les gens qui t'écoutent, si tu les touches, ils arrêtent TikTok. Ils sortent le TikTok. Parce qu'ils vont se rendre compte du mal qu'il y a maintenant qui est apparent, et toi, tu dois les mettre en garde contre cela. Mais malheureusement, non, c'est pas ça qui se passe. C'est plus ils ont d'abonnés, plus ils sont heureux, plus ils croient avoir une darwa incroyable. Alors qu'en réalité, bah, les gens, en fait, on dirait, ils t'écoutent pour passer le temps. Oh, c'est bien ce qu'il dit un tel. Et derrière, tu fais quoi ? Il retourne à ses erreurs. Tu vois. Un jour, ouais, j'ai fait monter la foi, j'écoutais derrière un tel. Il écoute, et après, il recommence ses bêtises. Tu vois. Donc ça, c'est une darwa, elle n'a pas porté de fruits, vraiment. Donc on dit, si encore ça a amené à sortir les gens, mais les gens qui utilisent ces procédés-là, ils ne sortent pas les gens de là où ils sont. Juste, ils se mélangent à eux maintenant. Tu vois. Ils se mélangent à eux. Taïeb. Bon, comme je disais, il y avait un long calème de Shir el-Islam par rapport à ça. Ah oui, il dit également Shir el-Islam. Qal wa nahnu qad taqay... تيقنا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا وما يصدق ذلك من المنقولات والمتواترة من أدلة العقل من أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. Donc il dit, nous, nous sommes certains que de ce que indique le livre de la Sunna, et comme unanimité des salafs d'avant nous, sur toutes les preuves qui ont été ramenées, que, et même des choses de la révélation et des choses basées sur le rationnel, les preuves rationnelles, que les Sahaba sont les meilleurs gens de la création après les prophètes. Et qui est le meilleur des Sahaba ? Abu Bakr. Et ensuite ? Omar. Et ensuite ? Othman. Ensuite ? Ali. Ali. Et après, il y a bien d'autres Sahaba qui avaient un rang plus haut que d'autres. Même les prophètes, tilka ar-rusul, fadalna ba'dhum ala ba'd. Voici les messagers. Et nous avons préféré certains d'autres. Dans le Coran, il a dit, nous avons favorisé certains prophètes sur d'autres. Donc il y a des préférences, même en religion, c'est pas de l'injustice, c'est une chose, les gens ne sont pas égaux. Donc les Sahaba, il y a certains parmi eux qui étaient meilleurs que d'autres, mais le plus petit des Sahaba est meilleur que quiconque qui est venu après. Meilleur que l'imam Ahmed, meilleur que Shafi'i, meilleur que Sheikh al-Islam, meilleur que qui tu veux. Le plus petit des Sahaba est meilleur que quiconque par la suite, même si ceux qui est venu par la suite auraient plus de haine que lui. Sa valeur auprès d'Allah fasse que le sahabi, qui soit le niveau le plus bas et qu'on dit bas par rapport aux autres, hein, c'est en quoi le niveau de sahaba, c'est le niveau le plus haut, et bien il est meilleur que tout le monde qui soit venu par la suite. Parce qu'il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est pas une chose qu'Allah l'a donné, si ce n'est au meilleur des personnes, devant la meilleure des créatures. Et on espère qu'Allah Azzawajal nous gratifiera de cela après la mort, de pouvoir le voir. C'est pour cela que même, il y a un grand mérite pour les gens qui le voient en rêve. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man ra'ani fil manam fakannahu ra'ani yaqaza. Celui qui m'a vu en rêve, c'est comme s'il m'avait vu éveillé. Et c'est pas tout le monde qui l'a vu, le Nabi sallam, même en rêve. Et t'en as dit, ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce que t'en sais que tu l'as vu? Il dit, ouais, parce que le prophète, il dit que le shaitan ne prend pas son apparence. Oui, mais qui te dit que c'est pas un shaitan qui a pris notre apparence? Tu crois que c'est lui alors que c'est pas lui? Le hadith dit que le shaitan ne prend pas son apparence. Ça veut pas dire que toi, celui que t'as vu, c'est le prophète. Tu vois? Et t'en as pas, et t'as des gens, des fois, ils disent, je l'ai vu. Je regarde ces gens-là, je te crois pas que tu l'as vu. J'ai juste à voir ta croyance et ta pratique, tu vas pas être quelqu'un qui a Allah Azzawajal, il a élevé à voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là maintenant là, tu transgresses que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu vas le voir en rêve? Déjà j'y crois pas. Tu en as pas, ils se disent voilà, ils deviennent des aoulios, des gens, ils deviennent des rapprochés, mais tu les vois, c'est des gens de l'égarement. Donc quand tu dis j'ai vu le prophète, tu dis je crois pas que ce soit lui que t'as vu. Je sais pas qui t'a vu, peut-être t'as vraiment vu quelqu'un, peut-être t'es sincère, tu crois que tu l'as vu, mais c'est pas lui que t'as vu. Il y a juste à devoir, toi, dans ta religion, savoir que tu n'es pas apte à avoir ce genre de rêve. Mais des gens concrètement l'ont vu, certes. Mais ça, c'est les gens qui sont à la base sur son suivi déjà. Vraiment, un vrai suivi du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء بإجماع السلف. Et que les Sahaba sont les meilleurs de la création après les prophètes selon l'إجماع des Salaf. ثانيا أن القرن الأول خير خير القرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Donc le premier siècle est le meilleur des siècles dans cette communauté, dans les actes, dans les paroles et dans la croyance et autres, dans tous les mérites. Ensuite ceux d'après tabi'in, ensuite ceux d'après atba' tabi'in. ثالثا أن الصحابة أفضل من التابعين فالصحابة لا يعدلهم أو لا يعدل الصحبة عفوا لا يعدلها شيء وأن التابعين أفضل من تابع التابعين. On peut dire ça, ouais. Les Sahaba sont meilleurs que les Tabi'in, car Sohba, Sohba c'est la compagnie, celle du compagnon. Quand on dit la compagnie, c'est la particulière, celle d'un compagnon. Il n'y a rien qui l'équivaut. Il n'y a rien à son niveau. Elle n'a pas d'équivalent. Et que le Tabi'in est meilleur que Tabi'i tabi'in. Tabi'in tabi'in, c'est Adba'a tabi'in, c'est les suiveurs des suiveurs. On peut dire Adba'a tabi'in, on peut dire Tabi'u tabi'in. On peut dire les deux. Rabi'an, an al-Qurun al-Mufazzala, thalathatun wa annahum khayru hadi al-Ummah. Et que les trois siècles favorisés sont les meilleurs de cette communauté. Et c'est là où les meilleures choses dans l'islam ont été apportées. Tayyib. Thumma qal. خامسا تعديل أهل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل. Et là ça montre le ta'dil, ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné la parole juste à leur égard, qui est cet éloge de ces trois couronnes, de ces trois siècles, et qui montre leur niveau dans le mérite. Non. Donc aujourd'hui, on va prendre juste cela, Inch'Allah. Et dans les abwab qui vont venir après, on y voit, on y verra le fadl des Khulafa Rashidin. Et après, ce sera Abu Bakr, après Omar, après Othman, après Ali, ou Akada. Et après, Al Bayt al-Nubuwa, ou Khadija, ou Akada, ou Ummahat al-Mu'minin. نكتفي بهذا القدر دونك دوما بروبابلمون يوغا درس سي با انكور سيغ مي نكتفي بهذا فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته